Passagers. Espace sans mesure, anti-tube, pêche, programme d'encadrement clinique et d'hébergement, La Rotonde, Société de la Rivière Saint-Charles. Ils ont choisi d'appuyer CKRL. Terra Incognita, Bruno et Michel ce soir jusqu'à minuit, 2 heures de bon prog. Installez-vous confortablement. On va donner le coup d'envoi ce soir avec une formation qui devrait nous visiter au mois de mai et qui va lancer son premier album dans 3 semaines, je pense, à peu près. Oui, même, en tout cas, 13 jours, dans 2 semaines. 2 semaines. Quelque dice il tuono avec Francesca de Unreal City et Nicolo de Cellar Noise, plus évidemment d'autres musiciens. Ça va être leur premier disque. Et je vais vous donner le titre ici, là. Il Velo dei Riflessi. Le disque sort le 20, mais nous, on va vous faire entendre une seconde pièce de cet album dans quelques secondes, le temps de vous dire qu'on va avoir plein de bonne musique de Suède, d'Italie, d'Angleterre, un peu partout. Donc, vous le savez, c'est toujours bon, Terra Incognita. Donc, on donne le coup d'envoi ce soir avec Quelque Dice Il Tuono, qui nous visitera le 17 mai dans le cadre du Festival Terra Incognita, 16e édition. Donc, un deuxième extrait de cet album à venir le 20 mars. Thank you. mélangé, considéré qu'un tel que le classique, c'est celui que l'on touche comme nous sommes nés. L'intellectuel classique, c'était au départ quelqu'un qui se recrutait dans un secteur que j'appellerais celui des travailleurs spécialistes du savoir. We'll be right back. Space entropy, rather living strife than a moral life. Value property over family. Screw altruism, feed your egotism. We'll be right back.

Vous avez besoin d'une vidéo. Hugo Dufour Productions peut vous aider à atteindre vos objectifs, que vous soyez une entreprise ou un créateur. Hugo Dufour Productions filme, monte, mixe et planifie une stratégie de diffusion avec vous, selon vos besoins et surtout votre budget. Vous ne savez pas par où commencer? Faites confiance à Hugo Dufour Productions, vidéaste officiel de CKRL, qui vous guidera étape par étape. Rendez-vous sur hugodufour.com pour discuter de votre projet avec lui. De retour. On va jeter un minuscule coup d'œil parce qu'il n'y avait pas grand-chose finalement dans le premier bloc. Deux longues pièces. C'est Bruno qui était heureux. On y va. Il faut que je le taquine un peu, vous le savez. Je ne peux pas faire autrement. C'était un pur bonheur de faire des émissions avec Bruno, mais il faut que je le taquine un peu parce que sinon, ça ne sera pas drôle. Et oui, donc... La pièce que conclut le bloc, ça nous venait de Suède, une jeune formation suédoise, et c'est pas très courant par les temps qui courent. On n'a pas vraiment beaucoup de relève du côté de la Suède dans le rock progressif, mais là, en voilà tout un candidat, Ing Fragment, de l'album Alienism. Je pense qu'on n'a pas fini d'entendre parler de ces jeunes Suédois. Et puis, ben, on avait donné le coup d'envoi avec Kelki Dissé et Il Tuono. Les Italiens ont le chic toujours, hein, depuis les années 70, pour aller chercher des noms là, très longs. c'est quand même assez difficile à retenir, mais on finit, voyez-vous, je suis capable de le répéter, le Kelki Dissé et Il Tuono, sans problème, donc le 17 mai, au Centre d'art La Chapelle, dans le cadre du festival Terra Incognita. Il y aura aussi la Maschera di Cera le même soir, et bien d'autres choses, à Nick Dutton aussi le vendredi et le samedi. Vous le savez, c'est pas mal un événement prog à Québec. Même on peut dire c'est un événement prog à Québec, le festival Terra Incognita. 16e édition cette année. Et je n'en reviens pas encore, parce qu'on dirait que ça fait seulement quelques années que je bûche sur ça, mais... Non, c'est 16. Vraiment. On va aller faire un petit tour du côté du Brésil cette fois-ci avec un groupe qui a pour nom Droning. On recommence. Droning Steps. Et c'est leur troisième album, The Echo of Distant Past. C'est vraiment très bon, ça. Et puis, on va sûrement vous revenir avec Droning Steps dans les prochaines semaines. Un premier extrait, donc, on écoute The Echo of Distant Past. Thank you. distant eye. What shows our deepest memories? The echo of a distant bounce. jeune claviériste américain talentueux, Cody Carpenter. Je vous en parlais il y a peut-être deux, trois, quatre semaines. C'est le fils de John Carpenter, le réalisateur de films d'horreur, qui est aussi musicien, et d'ailleurs les deux font de la musique ensemble. Donc Cody Carpenter, de son album Interdependence, sauf erreur, il me semble que c'est son tout premier disque. Avant, on avait, ça nous arrive du Royaume-Uni, Zop, Z-O-Z-O-P-P. C'est le projet d'un multi-instrumentiste et surtout claviériste, le Ryan Stevenson. Il y a quelques invités qu'on connaît, dont celui qui signe notre intro à chaque samedi, Andy Tillison de Tangent, qu'on retrouve sur deux ou trois pièces sur ce disque-là. Il y a Theo Travis aussi à la flûte sur une pièce. Et Andy Tillison a aussi réalisé trois pièces de cet album qui devrait paraître, sauf erreur, je pense que c'est la première semaine d'avril, donc Zop. C'est très Canterbury, et puis j'ai écouté le disque au complet. C'est vraiment, si vous aimez le Canterbury, c'est un disque, je me suis régalé aujourd'hui, là. Zop, Z-O-P-P, Zop. Et le titre est le même, Zop. Et puis, on avait donné le coup d'envoi avec formation brésilienne, troisième album, The Echo of Distant Past. C'est le groupe Drowning Steps. Et je pense que on a encore un peu de temps, Bruno, oui. Donc, je vais vous parler de ce qui s'en vient après les quelques messages d'intérêt public. On va avoir Sky Architect, leur tout premier album qui va être réédité bientôt, je pense, d'ici une couple de semaines. Excavation of the Mind. Donc, réédité, remixé et avec trois pièces bonnies. C'est pour souligner, en fait, le 10e anniversaire de parution de Excavation of the Mind. Et puis, ben, ceux qui étaient à l'édition Terra, c'est la première fois que Warbler nous rendait visite. Et ben, il y avait aussi Sky Architect, je pense que c'était en 2011, ça remonte à loin. Là. En 2011, Sky Architect venait de lancer leur disque. Il était venu le présenter à Québec. Des beaux souvenirs parce que les gars avaient aussi accompagné Rhys March et Lars de Warbler avait joué avec eux, avec Rhys March aussi. C'était un beau mélange. Ils s'étaient rencontrés et puis c'est un beau souvenir de cette édition-là. Et bien, c'est ça, c'est ce qu'on va écouter après ces messages d'intérêt public. Le temps de vous rappeler que vous êtes à l'écoute de Terra Incognita avec Bruno et Michel. On est avec vous jusqu'à minuit. Et évidemment, c'est CKRL 89.1. Le Radioton de CKRL, c'est le 27, 28 et 29 mars prochain. L'objectif est de 47 000 $. Soyez solidaires en contribuant financièrement au développement de votre radio communautaire. Devenez membre avant le 27 mars 17h et courez la chance de gagner le prix spécial membre de CKRL, d'une valeur de 150 $ offert par la boutique Le Pédalier. Vous voulez devenir membre? Allez sur ckrl.qc.ca ou au 88 640 2575 poste 201 ou encore passez à la station au 405 3e avenue Limoilou. Votre soutien demeure essentiel. Merci d'écouter CKRL. Cette année, on fête la Saint-Patrick à la brasserie artisanale La Korrigan. Musique irlandaise, promo sur la bière et sur le whisky, casque spécial, ambiance festive et plusieurs prix à gagner. Tout ça au 380 rue Dorchester. Le 14 mars dès 17h, on t'attend! Tout le monde a été ou sera témoin d'intimidation au travail. Sauriez-vous quoi faire? Ici Mélanie Florent, conférencière et consultante pour intimidation au travail. Le but de ma conférence est de sensibiliser vos équipes quant au savoir-être et au savoir-vivre en entreprise. Ce que vous allez apprendre, qu'est-ce que le harcèlement en milieu de travail, les différents acteurs impliqués et les ressources à votre disposition. Pour en savoir davantage, visitez intimidationautravail.com ou au 418-717-2222. Thank you. allunghi sorsi l'ideale, fragile figlio di Adamo, cuore d'avorio, corri lontano da questo luogo dove il giorno annulla il sogno, dove il tempo non perdona, e i volti sono specchi opachi di cui il riflesso mostra tutti gli altri. C'est pas mal bon. Pas mal bon. Putain, Bruno, t'es en train de faire des essais. Si tu veux mettre un peu d'atmosphère, c'est de ma faute. Ben, d'accord. Je prends le blâme, Bruno. C'est pas moi qui ai manipulé, mais bon, je veux dire que c'est. Ça doit être. Mentalement, je l'ai déclenché. Donc, on va jeter un petit coup d'œil en arrière. Le premier album attendu de cette nouvelle formation italienne avec Francesca de Unreal City, Nicolo de Cellar Noise et d'autres musiciens que, bon, qu'on connaît un peu moins, mais qu'on va sûrement apprendre à connaître le 17 mai lorsqu'ils nous rendront visite dans le cadre du festival Terra Incognita. Le 17 mai, donc, au Centre d'art La Chapelle. Bruno, oui, c'est correct? Parce que là, vous ne le voyez pas gesticuler. Là, on dirait que Squidly Diddly, là, les huit bras, ils vont d'un bord puis de l'autre. J'avais l'impression d'avoir fait une gaffe monumentale, mais ça a l'air que... C'est pas ça, non? Qu'est-ce que tu dis, Télésino? Ah oui, oui, c'est vrai. On y va, oui. Donc, oui, quelqu'un disait Il Tuono et il y avait aussi Sky Architect. Excavation of the Mind. Là, Bruno me fait signe que c'est le temps qu'on passe au message d'intérêt public et on vous revient, nous, après, avec encore une bonne demi-heure de musique. 89.1 C'est KRL. Québec. Quel match! Quel match! Vous voulez tout savoir sur les remparts, le Rouge et Or, les capitales, le sport scolaire et professionnel. Première loge du sport est votre rendez-vous sportif au 89.1. Et le but! Au menu, résultats, analyses et entrevues. Ici Dominique Girard, en compagnie de mes différents chroniqueurs, je vous donne rendez-vous chaque mardi dès 15h30, Première loge du sport. Cette émission vous est présentée par Alimentex, épicerie certifiée biologique avec produits de santé naturelle à Québec. 1188 1ère Avenue Limoilou, 418-529-7988. Alimentex.ca. Le Bal du Lézard, un incontournable depuis plus de 30 ans. Une ambiance sympathique, une clientèle éclectique et une programmation culturelle variée. Jeudi le 5 mars, soirée jazz rock avec le groupe Tertio de Montréal. Vendredi 6, les vendredis transmission avec DJ Dan Rochette. Samedi 7, soirée blues rock avec Blue Statement. Et samedi 14, on annonce la Saint-Patrick avec le groupe de chansons Irish, les Stouts. Venez découvrir notre sélection de microbrasseries locales et québécoises à prix d'amis en plus. Surveillez notre page Facebook pour les événements à venir. Hello, this is Fabio Zuffanti. You're presently listening Terra Incognita, the progressive reference of Quebec City. See you in May in Quebec City. Thank you. luce splende e ogni cosa è in ordine. In ogni posto c'è un mondo che risplende, è vivo e scorre dentro te. Oh, just a grail on time, just a flashing dark without reason or rhyme. It all appears as a spark, magic waters run deep in a twilight zone, and all the riddles she keeps won't beat me up. I'm home, magic waters run deep, won't face me in. I'm home, all the riddles she keeps. Just a trick of life, it's a game, it's a mood. Rescued by the daylight, it all a beat for the good. Melon bacon, sweet charm, into spellbound song. But all the birds in swarm won't sing my song. Run deep.